découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guénozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Comme vous avez pu le remarquer sur notre page Facebook, toute cette semaine nous parlerons de handicap. Aujourd'hui dans les studios de RGM, je reçois Pascal et Eric. Pascal et Eric, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bonjour, ça va très bien, comme Pascal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors je suis Pascal Mougel et je suis président d'une section handisport au sein du club olympique de la Haute-Moselotte, club d'olympisme qui est dans la vallée de la Moselotte. Je suis moi-même amputé fémoral dû à un accident de la route et je pratique beaucoup le sport. Je pratique toujours le sport, mais bon, à plus faible dose quand même. Donc voilà, en gros, je suis aussi trésorier du comité départemental handisport. Et vous, Eric ? Alors moi, je suis donc Eric Laurent. Je suis vice-président de l'association handisport Golbey-Épinal et vice-président du comité départemental handisport. Mm-hmm. Je suis donc... j'ai un handicap de naissance, donc infirme moteur cérébral. Vous parliez du comité départemental handisport, c'est quoi ? C'est une association de 1900 à but non lucratif. Qui regroupe 8 entités, donc 4 sections et 4 clubs. Mm-hmm. Elle dépend de la Fédération française handisport, bien sûr. On est au nombre de 100 licenciés au niveau du comité. Donc on pratique du sport, bien sûr, tout type de sport. On a différentes, on a à peu près 27 possibilités de faire du sport, quoi. Et donc, on fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles, surtout aux primaires. Ça permet aux garçons, aux enfants d'appréhender le handicap d'une manière différente, quoi. Oui, effectivement. Donc, je rebondis sur les sensibilisations. C'est tout public, en fait. Mais là, on est surtout axé sur les écoles primaires à partir du CM et des collèges, lycées. Mais après, on peut aller aussi très bien intervenir... dans des entreprises, à la demande de partenaires, voilà, pour expliquer ce qu'on fait, ce qui existe en sport, en handisport, et expliquer un peu aussi le handicap aux personnes. Je suis aussi intervenu deux fois à l'école infirmière à l'hôpital de Remiremont, ce qui permet de raconter un petit peu notre traversée du désert sur l'hôpital, quoi, hein, parce que là, il est vrai, quand à l'hôpital, on y passe, mais le monde médical et les infirmiers ne connaissent pas toujours la suite des patients qu'ils ont soignés, quoi. Hein. Donc ça leur permet d'avoir une interprétation de ce qu'on vit au sein de leur service, quoi. Alors vous faites quoi comme sensibilisation au public ? En fait, il y a surtout un atelier où on répond aux questions du public. Bon, si on va dans une école primaire, c'est les enfants ou des préadolescents pour les collèges. Et puis après, on sensibilise avec les différentes disciplines qu'on pratique dans les différents clubs. Parce que le comité regroupe, comme disait Pascal tout à l'heure, 4 clubs et 8 sections. Donc on fait pratiquer aux enfants, on les met en situation un peu de handicap, mais tout en pratiquant le sport afin de démystifier un peu le handicap et se rendre compte qu'on peut faire des choses même avec un handicap, quoi. On peut pratiquer du sport, on peut faire toutes les choses de la vie courante avec un handicap. C'est un peu démystifier ce handicap, la pratique permet de démystifier un peu le handicap. Alors j'avais vu sur internet des sports pratiqués en e-sport, par exemple le foot et le basket en fauteuil roulant. Oui, effectivement. Alors le basket, au sein des Vosges, il y a une équipe qui s'appelle les Suricates. C'est une fusion de deux sections, la section en basket en e-sport d'Épinal. Et même le club des Suricates de Saint-Dié. Et on se retrouve une fois par mois pour s'entraîner et puis aller faire des tournois deux fois dans l'année au niveau de la région. Depuis quand il existe le comité départemental handisport et toutes les associations qui vont avec ? Alors, le comité existe depuis 1996. Dès lors où il y a deux clubs ou deux sections dans un département... on a l'obligation par notre fédération de créer un comité. Et donc, la première association a été créée à Saint-Dié et en 96, Épinal a créé un club, son club, l'association handisport Golbe Épinal. Et de ce fait, ben, on s'est retrouvés à deux clubs et aujourd'hui, ben, ça a fait des petits puisque nous sommes quatre sections au sein du club, quatre clubs vraiment handisport où on pratique toutes les activités. Parce qu'un club valide peut créer une section, mais ne doit rester que dans sa discipline d'origine, alors qu'un club handisport va pouvoir faire plusieurs sections, plusieurs disciplines, un peu pour donner un peu les différences qui existent aujourd'hui. Depuis 2013, effectivement, les associations sportives dites valides peuvent créer des sections rattachées à la Fédération Handisport pour dans cette discipline, en restant dans cette discipline. Et un athlète, tout dépend de l'handicap, un athlète malvoyant peut avoir au sein d'un club une licence handisport et une licence valide. Il peut concourir sur les deux entités, en fait. Chose qui ne se fait pas en fauteuil roulant, bien sûr. Mais bon, un malvoyant peut faire beaucoup de sport valide, en fait. Quoi comme sport, du coup? Bah, tout ce qui est athlétisme, particulièrement c'est l'athlétisme, donc quasiment tout ce qui est course sur piste, lancer de poids, lancer de javelot, il peut quasiment tout faire. Quoi. Sauf des crosses en nature ou des crosses sur route où il faut quand même plus de dextérité au niveau du poser du pas et tout ça, donc c'est pas toujours évident quand on est malvoyant de voir toutes les aspérités du sol et tous les obstacles. Quoi. Sur piste, c'est plus facile car c'est bien propre, c'est propre. Quoi. Est-ce qu'il court tout seul ou est-ce qu'il est accompagné de quelqu'un? Le malvoyant, il peut courir seul, généralement il court seul, mais le non-voyant, il est accompagné d'un guide. Et c'est quand on voit ces gens-là courir sur piste, ça met vraiment le valide sur pied. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles dans l'association et dans le comité? Alors au sein du comité, ça regroupe à peu près 100 licenciés, oui, 90 à 100 licenciés répartis sur effectivement les quatre sections et les quatre clubs qui existent dans les Vosges. Voilà, aussi bien licenciés personnes handicapées que valides, parce qu'on accueille aussi des personnes valide pour pratiquer le sport avec les personnes handicapées. Alors, ils ne sont pas que aidants, ils sont aussi pratiquants parfois, on les met sous le même pied d'égalité, effectivement, pour une histoire d'équité, mais tout le monde pratique ensemble. Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire jouer au basket ou au foot une personne en fauteuil roulant et mettre la personne valide en fauteuil roulant pour jouer ensemble ou pas? Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est en loisir, on peut effectivement. Mais même en compétition, c'est prévu, puisque les gens, par exemple, pour le basket, ont des cartes de classement. Plus on, avec des points, alors plus on a d'abdos, plus on a des facilités pour se mouvoir. La personne est équitablement aux 5 points. Et après, on doit aligner les 5 joueurs. Et la table compte. La somme des cartes de points des joueurs, elle ne doit pas dépasser. On additionne les 5 joueurs, ça ne doit pas dépasser 16 points. Sachant que ça va de 1,5 à 5, les points, et les 5 joueurs ne doivent pas dépasser 16 points. Quand vous faites rentrer un joueur, vous devez toujours faire attention de ne pas dépasser les 16 points pour une histoire d'équité. Effectivement, si on met 5 valides dans un fauteuil qui ont déjà en plus joué peut-être au basket, là, ben, les équipes en face sont désavantagées. C'est toujours pour une histoire d'équité. Ouais, c'est des classifications en fait. C'est comme dans l'athlétisme, il y a des classifications en fonction de l'handicap. Forcément, un handicapé sur fauteuil aura une classification beaucoup plus élevée qu'un amputé tibial par exemple. Parce qu'un amputé tibial, il reprend la compétition comme invalide quasiment. Ce qui fait que les gens après sont, même pour les sports collectifs sont quand même par catégorie et type de handicap, si on peut dire, pour pratiquer sur la même équité. Est-ce que la durée d'un match de basket ou de foot est la même durée que si c'était un match normal avec des personnes valides, ou est-ce que c'est moins long? Non, c'est les mêmes durées. Et au basket, par exemple, les paniers sont même à la même hauteur que les, pour les personnes valides. Ça surprend surtout les gens quand on le dit, ils ne sont pas rabaissés, rien. Ils sont à la même hauteur à 3 mètres. Ça ne doit pas être facile parce qu'il faut quand même beaucoup de force dans les bras. Voilà, ben après c'est beaucoup l'entraînement, beaucoup de muscu pour certains quand on veut pratiquer en compétition, mais ça se fait. Généralement, l'handicapé sur fauteuil, il a des bras assez costauds quand même. Ah oui, à force de... C'est le moyen de se mouvoir, c'est les bras donc. Et pour l'athlétisme, ça se passe comment? C'est la même chose? C'est la même durée ou le même parcours? Oui, tout à fait. C'est vraiment... S'il y a des adaptations, elles sont vraiment techniques, mais en règle générale, les disciplines sont les mêmes que chez les personnes valides, les mêmes règles, sauf que après, c'est des petites adaptations techniques. Si je reprends le basket, par exemple, c'est trois marchés, et là, au basket handisport, on dit bien marcher aussi, mais c'est trois poussées sur les roues de fauteuil, quoi. Et autrement, il y a marcher. Et l'arbitre appelle bien ça marcher. Ils avancent bien avec leurs bras, en fait. Voilà. Et l'arbitre aussi, il est en fauteuil ou... Non, l'arbitre est... Enfin, il pourrait, mais l'arbitre est... Généralement, on a des arbitres qui font des formations spécifiques, mais qui ont déjà arbitré du basket valide. Que ça ne doit pas être facile, parce qu'avec les fauteuils, s'ils courent... non, mais généralement, c'est des arbitres qui sont debout et valides. Nous allons nous lancer dans une première pause musicale avant de parler de handisport. On vous laisse donc avec Jean-Jacques Goldman, avec son titre À nos actes manqués. On se retrouvera juste après sur le 107. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. À nos actes manqués, aux années perdues à tenter de ressembler à tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Oh, oh, oh, à nos actes manqués. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regretté, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger. Oh, nos actes manqués, nos actes manqués, nos actes manqués, nos actes manqués. Nous voici de retour avec Pascal et Eric sur les ondes du 107 pour parler de handisport. Alors le handisport, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités sportives pratiquées par les handicapés physiques et visuels. La Fédération française handisport compte une trentaine de disciplines, dont l'athlétisme, le basket, le cyclisme, la natation, le ski et le tennis. Des compétitions nationales et internationales sont organisées. Il y a aussi le handisport aux Jeux Olympiques, ça s'appelle les Jeux Paralympiques. Petite histoire pour vous, auditeurs. Monsieur Ludwig Gutmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke Mandeville dans le comté de Buckinghamshire, près de Londres, a eu l'idée d'organiser dès 1948 sur le terrain de l'hôpital les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. Ça a été connu plus tard sous le nom de Jeux de Stoke Mandeville. Ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d'anciens combattants ont alors pratiqué une unique épreuve, le tir à l'arc. Les 9e Jeux de Stoke Mandeville eurent lieu à Rome en 1960, une semaine après les Jeux Olympiques d'été de 1960, et l'on considère qu'il s'agit des premiers Jeux Paralympiques. Les premiers Jeux Paralympiques d'hiver ont eu lieu en Suède en 1976. Alors on va juste parler brièvement des derniers Jeux Paralympiques qui se sont déroulés à Pékin du 4 au 13 mars de cette année. La France est arrivée 4e avec 12 médailles au total, avec 7 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Alors c'est la Chine qui en est sortie vainqueur et qui nous a bien battus, avec 61 médailles au total, dont 18 en or, 20 en argent et 23 en bronze. 46 nations ont participé, il y avait 564 athlètes, dont 138 femmes et 426 hommes. Il y a eu 78 épreuves, 39 pour les hommes et 35 pour les femmes et 4 en mix. Alors après avoir fait ce petit point historique, je vous propose de nous retourner vers le comité départemental handisport. Alors quels sont les sports pratiqués à Golbey-Pinal? Alors aujourd'hui on a pu, il faut le dire, on a été jusqu'à 7 disciplines pratiquées. Et à ce jour, on n'a plus que la natation, le loisir. Pour des raisons par manque de bénévoles, alors je me permets de lancer un appel ici, on souhaiterait avoir plus de bénévoles pour aider à pratiquer certaines disciplines telles que on a mis deux là depuis la rentrée, depuis la reprise après le Covid, on a remis deux sections en sommeil, le torbal, c'est un jeu où les personnes valides peuvent jouer, mais c'est surtout adressé aux non-voyants et malvoyants. Alors après, c'est un ballon, en gros, c'est entre le foot et le bowling, puisqu'on s'envoie des balles et il faut les réceptionner, on doit se marquer des buts. Donc on recherche activement du monde et pour pratiquer avec les trois joueurs qui sont aujourd'hui un peu sur la touche, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce qu'on manque de bénévoles et de joueurs, mais des gens valides peuvent venir pratiquer avec nous, ça serait avec plaisir qu'on les accueillerait. Ce serait le créneau horaire est de 20h à 21h30 au gymnase Claude Jollet d'Épinal. Et puis après, on a mis en sommeil aussi la section boccia, c'est de la pétanque pour personnes handicapées, mais en gymnase, avec des boules de couleur bleue et rouge, qui sont un peu en sable, il y a du sable dedans, et c'est un jeu de pétanque adapté, en fait, la boccia. Et effectivement, il y a des gens qui demandent, mais faute de bénévoles, on encadrant. Aujourd'hui, on est obligé de mettre cette section en sommeil, mais le créneau horaire existe, c'est le samedi matin de 10h à midi au gymnase Claude Jollet, donc je lance un appel. Après, on a envie d'ouvrir d'autres sections aussi. On a de la demande pour de la serbacane, des choses comme ça. On a les créneaux horaires. Pour la boccia, on a même les terrains tracés au gymnase Claude Jollet. Donc, il reste une bonne volonté si quelqu'un veut passer un peu de temps, donner du temps pour pratiquer du sport et faire pratiquer. Après, on peut aussi envoyer les gens en stage pour se former s'il y a besoin. Voilà, donc un appel est lancé. Et pareil, Pascal, tu recherches aussi peut-être du monde au COHM. Ben nous, au niveau du club, c'est vrai que le bénévolat fait défaut, c'est vraiment défaut, quoi. Au niveau entraîneur, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui à trouver des bénévoles. Par contre, il est vrai qu'au niveau de la section handisport, je ne pouvais accueillir que des gens debout, malvoyants, malentendants. Non-voyant, il faut un guide. Donc, trouver un guide, ce n'est pas non plus évident. C'est un gros travail que trouver un guide. Après, les infrastructures ne sont pas adaptées pour la pratique du handisport avec fauteuil roulant dans les différents sites où on s'entraîne. Donc, de ce côté-là, on est un peu bloqué, quoi. Mais après, il est vrai qu'au niveau bénévole, pour tous les déplacements qu'on faisait, ça manquait de beaucoup de bénévoles. On était obligé souvent de faire des déplacements en famille avec des voitures personnelles pour faire des déplacements, quoi. Donc c'est compliqué parce que moi, je suis handicapé aussi physique. Donc pour la conduite automobile, il faut forcément des boîtes automatiques, des véhicules adaptés, choses qui n'existent pas dans les clubs, bien sûr. Donc je pratiquais tout ça avec mes biens à moi, quoi. Donc au niveau bénévolat, il est vrai que ça manque, c'est très dur à trouver des bénévoles. Alors vous disiez hors antenne aussi que les niveaux déplacements, mais vous partiez loin aussi. Oui, on partait très loin. Et c'est toujours les championnats de France sont toujours d'autre bout de la France, quoi. À Paris, en Vendée, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon. On a pratiqué une fois à Belfort, c'était le ouf de soulagement. Mais voilà, c'est généralement souvent à Paris, à Charletti et souvent Lyon aussi. Qui prend en charge les frais de déplacement ? Les frais de déplacement sont pris en charge par le club, bien sûr, par le club. Mère. Donc, de ce côté-là, on est des frais de déplacement, mais bon, il faut quand même faire le déplacement. Il faut aussi, et c'est quelque chose qui coûte cher pour le club quand même, parce que pour deux personnes, il faut compter les hébergements, les nourritures, les engagements, avec 1600 km aller-retour, ça fait beaucoup de frais de déplacement, quoi. Pour une personne, c'est pour un club, ça, on accuse le coup, quoi. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la section à dispo du SOHM, pour l'instant, moi, je pense qu'on va la mettre en veille et puis éventuellement, on verra par la suite si d'autres athlètes sont décidés à venir rejoindre le club, quoi. Ce qui est compliqué aussi, c'est que le fait que, comme c'est super loin, vous passez plus de temps sur la route que jouer, en fait. Tout à fait. On passe beaucoup de temps sur la route, oui. Beaucoup de fatigue, beaucoup de... On ne passe pas 3 jours là-bas en hébergement. C'est vrai qu'on part, généralement le vendredi soir, on rentre le dimanche soir. Donc c'est en passant toute la journée sur le stade, avec toute la fatigue que ça engendre, c'est, au niveau sécuritaire, c'est pas très, très bien étudié quand même. Comment vous pensez que ça pourrait s'améliorer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ? Pour que ça aille mieux, il faudrait que les clubs plus proches puissent organiser les championnats de France. Après, il faut aussi les clubs adaptés, quoi. Mm-hmm. Les stades adaptés, il faut beaucoup de choses. Il faut que les infrastructures... Bon, ce qui est construit récemment, c'est forcément bien adapté. Maintenant, les normes font que, ben, il faut adapter tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est accès aux pistes, aux bâtiments. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais les clubs aujourd'hui, ici, sont quand même... Il y en a qui sont reconstruits quand même sur Épinal. Remiremont aussi, le club est refait à neuf quasiment. Donc là, c'est, au niveau de la section en disport, au niveau du chez Avec à Remiremont, il y a moyen d'adapter. Il y a moyen de. D'ailleurs, il y a beaucoup de fauteuils roulants quand même là-bas. Par contre, tout ce qui est des petits clubs dans les vallées, ben non, de ce côté-là, on est un peu coincé. Et donc, pour améliorer, je pense qu'un club comme Remiremont pourrait éventuellement, pourquoi pas, organiser les championnats de France, c'est pareil. Il faut beaucoup de bénévoles, il faut beaucoup de personnel. Hein. Sur un grand club, on peut mutualiser un petit peu les moyens au niveau bénévole, mais ce n'est pas toujours évident. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment des grands clubs pour organiser des championnats de France, quoi. Et des infrastructures bien adaptées, quoi. Il faudra un soutien financier pour que ça s'améliore. Tout à fait. Mais un gros soutien financier. Après, il faudra la région, le département ou plus loin encore peut-être, je ne sais pas. Mais effectivement, hein, les clubs ont des aides, par le conseil départemental ou via le comité départemental, mais on a des aides pour les athlètes en compétition. On a aussi des aides sur des appels à projets pour le matériel aussi. On est aidé quand même au niveau du... pas beaucoup par même les subventions des communes. Sur chaque commune, les clubs sont aidés, mais ce qui manque aujourd'hui crûment, c'est des gens pour encadrer. Après cette situation de Covid, effectivement, on a vu des gens qui voulaient plus trop pratiquer, qui s'étaient laissés. Bon, on pense que ça va revenir, mais voilà. Il faut encore plus d'aide aujourd'hui. Je pense que les Jeux à Paris vont quand même aider à, à évoluer dans les adaptations pour les personnes handicapées, c'est à souhaiter, quoi. Enfin, c'est à souhaiter et c'est ce qui est programmé. Maintenant, pareil, effectivement, il faudra sûrement monter à Paris après pour se servir de ces structures-là. Mais en tout cas, on avance quand même sans faire de mauvais jeu de mots, pas à pas, quoi. Parce que les subventions au conseil départemental, ça sert beaucoup pour la vie du club. Il y a beaucoup d'aide, oui. C'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas trop mal, ça, on est bien servi. Après, c'est vrai que pour modifier des infrastructures, c'est un autre domaine, quoi. Et le coût est très, très important. C'est refaire des pistes, refaire des bâtiments, adapter des bâtiments, c'est pas évident. Non, mais bon, il y a quand même. Ça s'est fait. Nous, on a vu des travaux se faire à la piscine olympique. Mais bon, ça prend du temps parce que c'est. Comme c'est pour toujours, soi-disant, une minorité de gens, on va parler, j'aime pas du tout le dire comme ça, mais c'est significatif. Par exemple, nous, la commune d'Épinal a refait des travaux à l'époque avec l'agglo sur la piscine olympique et ils ont doublé le taux de fréquentation de personnes handicapées, alors tout confondu, depuis que. On a fait refaire des travaux à la piscine olympique, donc ça correspond quand même à une demande et des choses. Voilà. Effectivement, alors l'avantage maintenant, c'est que normalement, il y a un cahier des charges qui dit que tout établissement recevant du public doit être accessible. Donc ça avance aussi, mais effectivement, souvent, on voyait dans le temps beaucoup. Ah bah les gymnases sont accessibles pour venir voir des matchs, mais pas pour pratiquer. Donc maintenant, c'est en train de changer et c'est bien. Combien est-ce qu'il y a de licenciés dans le comité départemental d'handisport? On est une centaine aujourd'hui répartis sur effectivement 4 sections dans des clubs valides et 4 clubs handisport à part entière. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Alors, les 30 disciplines qui sont praticables en handisport sont enfin, quasiment, je dirais, toutes mixtes. Et ouais, c'est à peu près équitable, c'est à peu près du 50-50. Mais toutes les pratiques sont mixtes. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Effectivement, c'est ce qu'on déplore, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pratiquent aujourd'hui. On a un club sur Chavlot où des jeunes pratiquent, mais après, dans les autres clubs ou les sections, il n'y a pas beaucoup d'enfants. En fait, je sais pas on connaît pas bien la raison, mais effectivement, il y a eu un peu des jeunes qui ont fait de la sarbacane à Saint-Dié. Mais après, c'est aussi parce que peut-être que derrière l'investissement des parents. Compétition comme jouer en athlétisme, on peut accéder au championnat de France qu'à partir de l'âge de 12 ans, quoi. Donc quelque part, le gamin qui vient à 5 ans et qui il va s'entraîner au club pendant 6 ans. Il n'y a pas de compète vraiment locale, des petites compétitions locales, il y en a très peu. Donc avant de pouvoir se lancer dans une compétition, vraiment une compétition, il faut attendre l'âge de 12 ans. Donc c'est pas toujours évident non plus. Ah oui. Et oui, c'est compliqué pour les jeunes. Moi, j'en ai une paire d'athlètes comme ça qui ont abdiqué, quoi, parce que ils voulaient de la performance, ils voulaient faire. Mais c'est voilà, on peut pas les mettre au championnat de France s'ils ont 9 ans, quoi. C'est pas évident. Faut de la persévérance et de la volonté alors. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les licenciés sont classés par tranche d'âge, comme les poussins, les seniors, les vétérans, tout ça? Oui. Pour tous les sports? Non, après, ça Pas. dépend des disciplines. Ça dépend des disciplines, oui. Après, il y a des classifications. Donc, ils sont surtout classés c'est des classifications. Ils passent dans un comité médecin-kiné qui évalue le degré de handicap. Après, c'est une classification et en fonction de la classification, ils ont des points en plus par rapport au handicap, quoi. Alors, combien est-ce qu'il y a de personnes par sport? Par sport, je ne saurais pas dire. Aujourd'hui, je ne sais pas. La Fédération française handisport regroupe 27 000 licenciés sur la France, maintenant déclinés par discipline, ça serait peut-être un peu dur. Je ne connais pas le chiffre exact par discipline. On n'a pas les chiffres par discipline, malheureusement. Quel est le sport le plus pratiqué par les garçons? Pareil, je ne saurais pas dire aujourd'hui parce que les sports sont mixtes quand même. Ouais, il y a beaucoup de disciplines qui sont beaucoup pratiquées. C'est vrai que... Enfin, moi, je vois sur les stades que l'athlétisme. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes dans l'athlétisme qui pratiquent quand même l'athlétisme. C'est assez évident. Après, sur les autres sports, je pense que c'est mixte. Hein. C'est 50-50 hein, à peu près. Hein. Alors, vous parliez tout à l'heure du boccia, je crois, et du torball. C'est quoi les règles du jeu? Alors, concernant le torball, en fait, c'est... Ça joue à 3 contre 3. Les gens sont sur des pieds en forme de triangle et doivent marquer des buts à l'adversaire. Un coup, ils tirent, un coup, ils sont gardiens. Et tout se fait, pourquoi sur des tapis? Parce qu'il faut avoir des repères, parce qu'on est plongé dans le noir. Alors, les non-voyants n'ont pas de masque, mais les malvoyants et les voyants qui jouent ont des masques. Des masques sur les yeux à chaque fois et tout se fait au niveau sonore. Quoi. Le ballon a des clochettes avec des fils déposés pareil sur le terrain avec des clochettes. Et le ballon doit tout le temps rouler, ne doit pas faire de rebond ou de choses comme ça. De rebond ou passer au-dessus du fil ou toucher même les fils. Donc voilà un peu, c'est un mélange, je disais, entre le foot et le... On lance un peu comme au bowling et comme il faut se marquer des buts, et ben c'est un peu un mélange de foot et de bowling. Ensuite, la boccia, ben c'est apparenté à la pétanque en gymnase. Sauf que ben, à la pétanque, les gens tirent tous du même endroit et là, les gens sont alignés en ligne. Ça joue à 3 contre 3 ou 2 contre 2. Et... On intercale les joueurs. Les joueurs sont par équipe. Il y a des boules bleues, des boules rouges. Mais on intercale un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. Quand ça joue à 3 contre 3 ou 2 contre 2, ben, ça sera un rouge, un bleu. Et c'est celui qui est plus près du jack, qui est l'équivalent du cochonnet pour la pétanque, qui remporte les points. Ils ont à peu près... 6 minutes pour tirer, quand tu joues à 2 contre 2, 6 minutes pour tirer 3 boules. C'est la durée d'un match. Et pour les personnes qui ont des difficultés, pas de force dans les bras, avec un handicap type de myopathie ou tétraplégie, il existe des rampes de lancement avec des assistants qui doivent tourner le dos au jeu tout le temps de la partie. Autrement, la personne, le pratiquant, est exclu de la partie si son assistant a regardé le jeu pour que ça soit vraiment équitable. Quoi. Voilà un peu les deux disciplines qui sont vraiment propres à l'handisport. Effectivement, pour encadrer ces deux disciplines, l'association Handisport Golbe-Épinal recherche activement des bénévoles. Justement, comment est-ce qu'ils pourraient vous rejoindre, les bénévoles qui souhaiteraient vous contacter? Alors, par téléphone, au 06 19 98 06 26, sur la page Facebook aussi de l'association Handisport Golbe-Épinal. Voilà, on est en train de retravailler sur le site, mais on s'est rendu compte que la page Facebook, il y avait plus de gens qui allaient sur Facebook... que le site, donc voilà, un peu après, il y a une adresse mail quand même, sage-minuscule@wanadoo.fr. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On espère via cette émission qu'il y en a qui oseront vous appeler, si ça peut aider, ça serait bien. C'est quoi les règles de l'athlétisme? J'ai jamais compris, c'est quoi les règles en fait? L'athlétisme, donc je parlais tout à l'heure des classifications, donc il y a des classifications en fonction de l'handicap qui jouent sur le résultat en fait. Mm-hmm. En fonction de l'handicap, plus on est handicapé, plus le coefficient est élevé. Donc forcément, il faut bien que tout le monde puisse être à peu près au même niveau au niveau du bilan, quoi, hein, au niveau des résultats. Donc quelque part, c'est assez compliqué de gérer tout ça. Il faut passer, comme je disais, devant une commission médecin-kiné qui juge de la capacité ou de l'athlète à faire ces sports-là. Donc après, cette classification permet de faire un classement. Et dans l'athlétisme, c'est quoi ? C'est la course de relais, tout ça, ou c'est juste... Oui, il y a tout. Il y a le relais, enfin, toutes les courses sur piste. Les lancers, le javelot, le poids, et toutes les courses, le 100 mètres, le 50 mètres, le 800, le 400. Par contre, pour tous les petits qui sont partants pour faire de l'athlétisme, des amputés tibiaux ou fémoraux, il existe une association qui s'appelle Entraide et qui est gérée par Jean-Luc Clémenceau. Et cette association équipe gratuitement tous les enfants de 6 à 16 ans, et l'emboîture et la lame de course, gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est un bienfait parce que quand il faut s'équiper avec une emboîture, donc les prothésistes sont aussi dans le cycle et qui fabriquent les prothèses gratuitement. Mmh. Parce qu'on a beau avoir la partie mécanique, la cheville, le pied et l'emboîture, mais il faut faire l'emboîture au-dessus. Donc ça, il faut des prothésistes. Donc il faut des gens compétents qui veulent bien assurer la fabrication de ces prothèses pour équiper ces enfants. Donc au fur et à mesure où ils grandissent, il faut forcément changer souvent la prothèse. Donc ça, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. D'accord. Donc tous les jeunes amputés tibiaux ou fémoraux qui veulent faire de l'athlétisme, les lames sont fournies ainsi que les emboîtures. Et c'est comment une prothèse pour la jambe ? Une prothèse, c'est une emboîture dans laquelle on met le moignon. Le moignon, c'est la partie restante de la jambe, avec des attaches distales ou des manchons silicone. Donc c'est les types de fixation de la prothèse. Après, c'est assez technique, donc grosso modo, c'est pas une ceinture comme autour de la taille, c'est uniquement l'emboîture qui vient sur le moignon et c'est fixé. Après, il y a des prises à enlever pour pouvoir démonter, ou alors des boutons poussoirs à presser pour ressortir des tiges métalliques qui avec un grenage qui permet de fixer la prothèse. Et en dessous de cette emboîture, donc l'emboîture, c'est particulier à chacun, quoi. On ne peut pas dire on fait un groupe d'emboîtures pour tant de personnes. Non, ce n'est pas ça. C'est chaque emboîture est particulière, quoi. Parce que c'est scanné en 3D sur le moignon qui des moignons ont toute une forme différente. Hein. Donc c'est assez compliqué comme mécanique. Ensuite, en deçà de l'emboîture, il faut forcément remettre ou la jambe ou le tibia. Amputé tibial, on remet un tibia avec un pied qui est fabriqué avec une lame de carbone aussi, avec un moulage qui ressemble à un pied qui va dans la chaussure, quoi. Et sinon, pour la lame de course, donc ça c'est pour la marche ou le cross ou la course à pied. Par contre, pour la piste, il faut une lame de carbone. Une lame de carbone, c'est la restitution d'énergie qui permet de pouvoir avoir beaucoup de pression sur la jambe amputée pour pouvoir suivre la jambe valide, en fait. Même là, aujourd'hui, on peut quasiment être plus fort que la jambe valide, en fait. Il y a tellement de restitution d'énergie que c'est compliqué à mettre en route, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne. Ça doit être lourd aussi au niveau de la jambe, non? Non, c'est pas très lourd. Une lame de carbone, ça ne pèse rien, en fait. C'est du carbone, hein, donc j'ai aucune idée du poids que ça fait, mais ça ne pèse pas 500 grammes. Hein. Est-ce que vous pratiquez un sport vous-même, tous les deux, ou pas? Ouais, moi je pratique en loisir. Hein. Je pratique le vélo, beaucoup de vélo. Je fais du vélo sans prothèse, donc je roule que sur une jambe. Je pratique aussi le ski de descente que j'ai repris il y a une dizaine d'années avec je skie assis avec un dual, ça s'appelle un dual, un outil muni d'un siège avec des deux skis en dessous avec un pantographe. Donc on peut évoluer dans tout type de neige, toute pente, c'est un bien. C'est vrai que j'ai repris beaucoup de goût à se refaire du ski de descente. Je nage aussi, je pratique la natation. Après, la course à pied, la marche, c'est pas mon truc. Amputé fémoral, c'est quand il n'y a plus le genou, c'est pas pratique. Parce que les amputés fémoraux pour faire de la course sur piste, par exemple, c'est très compliqué. Il faut avoir vraiment du punch et de l'envie de faire. Hein. Parce que c'est une lame beaucoup plus grande qu'un amputé tibial. C'est une grande lame et il n'y a pas de genou. Ah oui. Ah non, on démarre la jambe droite. Hein. Mais une fois qu'on est parti, la jambe, ça va très vite. Quoi. Ça ne doit pas être facile pour s'habituer au début. Non, c'est compliqué. Hein, mais il est vrai, quand on va sur un stade au championnat de France en disport, en athlétisme, on voit des choses, oui, c'est vraiment... Les valides auraient du boulot à se remettre en place. Hein. Parce qu'il y en a qui ont du punch et qui en veulent. C'est vrai qu'avec des outils très particuliers. C'est dingue tout ce qu'on peut faire maintenant par rapport à ce que c'était avant. Ben c'est dingue, comme les gens aussi, les handicapés, sont très, très volontaires. Parce qu'il faut être très volontaire. Quand on met à la place d'une jambe, on met une prothèse, on met un outil, ça peut être du carbone, ça peut être de la souplesse et du ressort, mais il faut mettre le corps dedans, quoi. Et vous, Eric ? Alors moi, j'ai pratiqué un peu en compétition de basket au début. Maintenant, j'ai arrêté. Et puis, pour manque de temps, je pratique plus de sport, ou un peu de natation, mais vraiment en loisir aussi. Et je pratique plus de sport. Je pratique... Mon sport, c'est de pratiquer à faire tourner l'association. C'est aussi du sport. Ça demande pas mal de temps et d'énergie, du voilà. coup. Voilà. Donc, c'est un peu plus mon sport. Mais, voilà. Mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Mais effectivement, pour rebondir sur les progrès techniques qu'on fait aujourd'hui servent à faire évoluer le sport dans beaucoup de disciplines, notamment... Parce que Pascal parlait de l'âme et de tout ça. Il y a d'ailleurs eu une histoire avec Pictorius qui disait que techniquement, donc il était amputé des deux jambes, et techniquement il faisait même des meilleurs temps que des personnes valides, puisqu'il avait un corps moins lourd. Enfin, il y a eu tous des débats là-dessus aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, moralité, c'est pas celui qui se plaint de la performance d'un double amputé tibial qui va plus vite que le valide. Bah, il faut pour prendre de l'EPO, il faut se ramputer en fait. C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est un peu radical du coup. Non, mais on essaye de trouver des solutions. Non, c'est de l'humour. C'était de l'humour. Ouais. Non, mais effectivement, il y avait eu cette. Bon, après, ça donne pas envie. C'était Pictorius, quoi. On voit ce qu'il est devenu. Mais c'est le valide qui jalouse un double amputé tibial qui fait de la course à pied et qui est fort. Je sais qu'il y avait eu des débats là-dessus au niveau du CIO, Comité international olympique. Il voulait presque interdire. Hein, mais ouais. Mais voilà, donc c'est vraiment où on peut se féliciter, c'est qu'effectivement, les adaptations aujourd'hui techniques sont... de plus en plus, et on peut sont de mieux en mieux et se font de plus en plus, et ce qui amène à ouvrir plus de portes au niveau des disciplines, et c'est vraiment un bienfait de que les gens puissent s'épanouir dans une autre discipline et pas se renfermer sur le handicap. Après, c'est le coût du matériel qui bloque un peu par moment, quoi. C'est très cher, et voilà, faut se battre pour trouver un petit peu d'argent et pouvoir s'équiper. Comme vous le savez, c'est une semaine particulière puisque c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors pour ça, je vous propose d'en parler juste après ces deux pauses musicales. On vous laisse avec Leonard Cohen et Johnny Hallyday. On se retrouvera juste après sur le 107. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.

Et je travaille beaucoup sur les réseaux. Et un jour de 1999, j'ai eu un accident de la route qui m'a coûté tout ce que j'ai là. Donc, amputation de la jambe gauche, 7 fractures jambe droite, les deux bras brûlés au troisième degré et 8 jours de coma. Ah oui. Alors, 3 mois et demi d'hôpital, 9 mois de standard d'adaptation. Et j'ai appris le travail au bout de 15 mois, durant 10 ans. D'accord. Et je suis retraité depuis 2011. Ça a demandé pas mal de volonté, tout ça, pour oui. reprendre une vie normale. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et... On ne reprend pas la vie normale, mais reprendre la vie tout court. Mm-hmm. Parce que normal, ce serait un miracle. Bon, moi et mes proches, c'est vrai que ça a été un gros renversement de situation. Quoi. Mm-hmm. Tout change dans la vie. Là. Et vous, Eric? Moi, en fait, c'est comme j'avais dit au départ, c'est pas comme Pascal, c'est pas un accident. Je suis handicapé moteur de naissance et je suis né prématurément à 7 mois. Et en fait, mes études se sont poursuivies. J'ai fait un bac pro de compta et ensuite je me suis dirigé dans l'animation socioculturelle. Aujourd'hui, je suis animateur territorial sur une commune des Vosges. Donc, effectivement, j'ai passé par un brevet d'État. Donc, je suis reconnu travailleur handicapé. C'est la semaine du travailleur handicapé. Donc, effectivement, il y a des aides, des maintiens pour les travailleurs handicapés, des aménagements de poste aussi. Il y a la GFIP ou le FIP qui aide les travailleurs handicapés. Alors, aussi bien dans le maintien du poste, au niveau ergonomique, mais il y a d'autres aides, aussi. Et puis, être reconnu travailleur handicapé, effectivement, c'est aussi le travail en ESAT, un établissement spécialisé dans le travail. Et voilà pour la semaine du travail handicapé. Après, il y a des organismes, effectivement. Alors, la reconnaissance travailleur handicapé s'obtient par la MDPH. Et après, les organismes que je viens de citer pour aider le maintien de l'emploi des personnes handicapées, c'est effectivement des démarches faites avec l'employeur et ces organismes ont été mis en place suite à la loi de 87 qui dit que 6% de la masse salariale doit être reconnue travailleur handicapé. Alors, ce qui existe aujourd'hui, mais c'est pas toujours le cas parce que il y a effectivement des amendes quand les entreprises respectent pas cette loi avec les 6%. Elles versent des amendes qui vont aux deux caisses que je viens de citer, la GFIP ou le FIP pour la fonction publique. Et c'est là qu'on retrouve des fonds pour aider l'emploi et le maintien de l'emploi des personnes handicapées en milieu dit ordinaire ou même en ESAT, quoi. Alors pour nos auditeurs, l'ESAT, c'est comme disait Eric, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Alors c'est des établissements médico-sociaux dont le personnel handicapé a une capacité réduite au travail. Avant, ça s'appelait le centre d'aide par le travail. Et il y a aussi les entreprises adaptées qui sont des entreprises d'utilité sociale ayant une obligation d'employer au moins 55% de personnes en situation de handicap. Et elles sont régies par le Code du travail. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux? Moi, ça serait de retrouver pleinement la vie associative qu'on avait avant le Covid et retrouver des bénévoles afin de faire fonctionner au mieux l'association pour que beaucoup de gens puissent s'épanouir dans des disciplines sportives. Et également, comme Eric, il est vrai que le manque de bénévoles, d'infrastructures, surtout infrastructures au niveau de l'athlétisme, pouvant accueillir des fauteuils, ça c'est très c'est important parce que sinon ça limite vraiment le nombre de licenciés quoi au niveau du moi c'est surtout des valides qu'il faut et enfin des valides debout pratiquer le sport mm-hmm. debout et donc il y a que des malvoyants ou des non voyants ou des sourds après un fauteuil c'est une paire de manches quoi. Il faut généralement qu'un fauteuil quand on fait des déplacements il faut une personne par fauteuil quoi. D'accord. Donc il faut des bénévoles aussi. Donc c'est un gros travail à faire au niveau d'un club et c'est pas toujours évident de trouver quoi. Alors cette émission est malheureusement terminée puisqu'il est déjà le temps de se quitter. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Eric et Pascal, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. De rien. L'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. On pourra parler plus de l'association et du comité. Sans problème. Tout à fait, oui. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle de Tour de Vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.